بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، c'est notre troisième rencontre autour du livre du Cheikh, de son éminence Cheikh Rabbi Hafidhahullah Ta'ala, dont le titre est La sagesse et la raison et dans la voie de la da'wah des messagers alayhi salatu wassalam. Nous sommes toujours dans l'introduction, dans la préface qu'a fait son éminent Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, à ce livre. فوقفنا عند قول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى هذا وجماعة أخرى تنتمي إلى الدعوة لكنها تسير على منهج آخر يختلف أيضا عن منهج الرسل، فلا تعير العقيدة أهمية وإنما تهتم بجانب التعبد وممارسة بعض الأذكار على نهج الصوفية، ويركزون على الخروج والسياحة، والذي يهمهم هو استقطاب الناس معهم دون نظر إلى عقائدهم. وهذه كلها طرق مبتدعة تبدأ من حيث انتهت دعوة الرسل، وهي بمثابة من يعالج جسدا مقطوع الرأس، لأن العقيدة من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. Nous sommes arrêtés à ce passage dans l'introduction du Cheikh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala, de Cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah Ta'ala. Il a dit, il y a un autre groupe qui est sur le terrain de la da'wa, mais qui a pris un autre chemin qui est différent du chemin du prophète alayhi salatu wassalam, et qui ne donne pas l'importance aux croyances, mais il s'occupe du côté de l'adoration et de pratiquer, et le fait de pratiquer des invocations selon la voie des soufis. Et ils appuient leur droit sur le fait de errer et de faire du tourisme sur terre, ce qu'ils appellent le khuruj. Ce qui les intéresse aussi, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de gens avec eux, sans faire attention, sans prêter attention à leurs croyances. Et tout ceci dit Cheikh Al-Fawzan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et que nous fassions profiter de sa science, tout ceci, ce sont des voies innovées qui ont commencé de là où s'est terminée la voie du messager alayhi salatu wassalam. Il dit, ces voies-là sont comme celui qui est en train de donner des médicaments à un corps sans tête. Et il dit, car les croyances par rapport à la religion, c'est comme la tête par rapport au corps. Et ça, c'est une belle image que donne Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, que nous devons méditer quand on voit la voie de la da'wa de ces groupes. فالشيخ هنا بعد أن كلمنا عن الجماعات التي تهتم بالحاكمية وبالسياسة يكلمنا عن جماعة السياحة. وهذه الجماعة تعرفونها الآن، تعرفون ما هي عليه. ففيهم، في بعضهم من يقول إذا رأيت من يسجد للعجل فأت بالحشيش لهذا العجل، وإذا رأيت أحدا يطوف بقبر طف معه وادعوه ليقبل منك. فهمهم الأكبر أن يكثر الناس من حولهم، مهما كان عندهم من شرك وإهمال للتوحيد، فلسان حال هؤلاء شرك يجمعنا خير من توحيد يفرقنا، وسنة وبدعة تجمعنا تفرقنا. Après que Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, Cheikh Al-Fawzan, nous a parlé de ce groupe dont la préoccupation c'est la politique, c'est le Hakimiya, maintenant il nous cite ce groupe qui s'occupe du tourisme et le fait de sortir. Et ce groupe-là fait partie de leur tête des gens qui disent, si tu trouves des gens en train de se prosterner pour un veau, ramène de l'herbe pour ce veau, et si tu vois des gens tourner autour des tombes, bah tourne autour des tombes avec eux et fais leur dawa pour qu'ils acceptent de toi. Leur grand souci, c'est tout simplement qu'il y ait le plus de nombre autour d'eux. Peu importe les croyances et les actes de l'associationnisme dans lesquels bêlent les gens qui vont grandir leur rang. Ils négligent le monothéisme. Leur situation nous dit qu'un associationnisme qui nous réunit vaut mieux qu'un monothéisme qui nous sépare. Et une sunna, une innovation qui nous réunit vaut mieux qu'une sunna qui nous sépare. فالآخرون أولئك الحركيون السياسيون تركوا الناس يقولون اتركوا الناس لا تكثروا عليهم سنة سنة شرك شرك. الآن فقط نجتمع، والآن أمامنا قضايا الأمة المصيرية، وطبعا كل عاقل يعرف بأن هذا كلام فارغ ولا فائدة فيه، لا فائدة ترجى من ورائه. كم من سنوات وهم يدندنون بهذا الكلام، وأعداء الإسلام مكانهم، وقضايا الأمة هي ما تغيرت إلا إلى الأسوأ. لا زال أعداء الإسلام في قوة، بل أعطوا مبررات للطعن في الإسلام، ووجدوا مبررات لوصف المسلمين بأنهم وبأنهم. Donc les autres, les activistes, ceux qui courent derrière la politique, derrière les sièges des gouverneurs, ils disent aussi, laissez les gens, ne perturbez pas l'esprit des gens avec ceci est une sunna, ceci c'est de l'associationnisme, ceci c'est de l'innovation. Aujourd'hui, tout simplement, et maintenant, il faut qu'on se réunisse. Nous avons de grands problèmes. Nous avons les énormes problèmes de la communauté qu'il faut régler. Et naturellement, tout un chacun qui est doué de raison sait que ces paroles, ce sont des paroles vides de sens. Il n'y a aucun bien à attendre derrière ces paroles. Combien d'années ils sont sur cette voie-là, ils parlent ainsi. Combien ? Et les ennemis de l'islam sont toujours à leur place. Et la situation de la communauté n'a pas changé. Sinon, il est allé vers le pire. Et les ennemis de l'islam ont plus de puissance. Et ils leur ont donné des prétextes pour attaquer l'islam et pour attaquer les pays de l'islam. Et ils leur ont donné des prétextes pour décrire les musulmans, de description que le musulman ne mérite pas. والشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في هذه الفقرة يبين لنا حال هذه الجماعة، بين لنا حال هذه الجماعة الأولى، ولم يسمها لعله لأن الأسماء تزول، والشيطان دائما يغير الأسماء ويغطي الباطل ويزينه ويأتيك به في صورة أخرى، ولكن الباطل هو. ومن أعظم خطوات الشيطان أن يزين للناس أعمالهم وأن يلبس عليهم أمورهم. فهذه جماعة أسست سنة كذا، وأي شيء أنشئ فله بداية وطبعا له نهاية مهما دام، ولا يمكن أن يدوم. أما دعوة الأنبياء ودعوة الرسل ومنهجهم عليهم الصلاة والسلام، فهذه دعوة التوحيد التي بعث الله بها الأنبياء والرسل، وهذا لا يمكن أن ينتهي أبدا، لأن هذا من عند الله. أما هذه الدعوات والحركات الأرضية فلا تدوم ولا تستمر، لأنها من اختراع البشر. الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى dans ce passage nous a éclairé sur ce premier groupe qui cherche le pouvoir. Il nous éclaire sur les autres groupes, mais il les a pas cités avec leur nom, Peut-être parce que les noms changent. Et Shaitan toujours change les noms. Et toujours Shaitan vient cacher le faux. Il vient l'embellir. Et tu le ramener dans une autre image. Et ça, ce sont les grands pas de Shaitan. Il embellit les actes aux gens. Il embellit le faux. Il déguise les situations. Ça, c'est un groupe qui a été fondé en telle année. Il n'y a aucun doute que chaque chose qui a débuté à un moment donné, il a un début. Et chaque chose qui a débuté, il est évident qu'il a une fin. Malgré le temps que peut durer un groupe, il a eu un début, il aura un jour une fin. Ça, c'est la voix d'Allah. Mais il est évident qu'il ne peut pas durer dans le temps. Le nom va changer, les principes vont changer, il y aura. Mais quant à la da'wah du prophète, alayhi sallatou salam, quant à la da'wah du messager, alayhi sallatou salam, quant à la voix du messager, alayhi sallatou salam, ça c'est la voix du monothéisme. Ça c'est la voix avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes et les messagers. Ceci ne peut jamais se terminer, ceci ne peut jamais changer, car ça vient min Allah azza wa jal. Quant à ces formes de da'wah, et ces formes de mouvements qu'on voit sur terre, ils ne peuvent pas durer parce qu'ils sont créés par l'être humain. Et ils ont un début, et il est évident qu'ils vont avoir une fin. والذي يجب ان يرسخ في اذهاننا ايها الاخوه في الله وان يرسخ في قلوبنا ان الدعوه الى التوحيد هذا هو الاهم وهذا هو الذي ينفع الناس في الدنيا والاخره فانسان موحد يزني ويسرق أو يكذب وهو موحد فهذا أفضل حالا من ذلك الذي لا يزني ولا يشرب الخمر ولا يكذب لكنه يشرك بالله يستغيث بالأموات يذبح للقبور. Il faut que une chose essentielle doit s'ancrer en nous, dans nos cœurs, dans notre esprit, que la da'wa du monothéisme, c'est la priorité des priorités. Et c'est ce qui fera le bien des gens dans ce bas-monde et dans le delà. Un être humain monothéiste qui commet l'adultère, qui vole ou qui ment, et en étant monothéiste, celui-là, il est mieux. Il est dans une situation meilleure que celui qui ne commet pas l'adultère, qui ne boit pas du vin, qui ne vole pas et qui ne ment pas, mais il commet de l'associationnisme. Il cherche secours auprès des morts. Il égorge pour les tombes. Celui-là, il est dans une pire situation. Et le monothéisme qui tombe dans certains péchés capitaux, il est mieux que celui qui ne fait pas de péchés capitaux, mais il est dans l'associationnisme. Il est évident qu'on néglige pas les péchés capitaux, loin de là. فَإِذَا رَأَيْتَ مَثَلًا عَابِدًا مِنَ الْعُبَّادِ يَصُومُ الْإِثْنَيْنِ والخميس ويختم القرآن في ثلاثة أيام ويفعل كثيرا من أعمال الخير لكنه يقول المدد يا جيلاني يقول المدد يا بدوي المدد يا إحياء فذاك الموحد السارق الزاني الفاسق أفضل منه لأنه موحد نعم عنده ذنوب هي من الكبائر ولا نستهين بها لكنه لا يشرك بالله لا يستغيث بغير الله لا يطلب المدد من المقبورين وهذا الصالح في الظاهر عنده الشرك الذي يفسد الأعمال كما يفسد الحدث الوضوء فهذا معنى كلام ابن تيمية رحمه الله فهذه الذنوب مع صحة التوحيد خير من فساد التوحيد مع عدم هذه الذنوب فيقول الله عز وجل maintenant si tu vois un adorateur parmi les adorateurs qui accomplissent beaucoup d'actes d'adoration, qui gèle le lundi, qui gèle le jeudi, qui lit le Coran, qui termine le Coran tous les trois jours, et qui fait beaucoup d'œuvres de bien. Mais il dit, hein, Ya Jilani, il lève les mains, Ya Jilani, Ya Badawi, Ya Rasulallah, Ya Yahya. Il demande aux morts, sache frère en Allah Azza wa Jal, que ce monothéiste qui vole, qui commet l'adultère, qui est pervers, est mieux que ceux en étant que ce monothéisme qui vole et qui commet l'adultère, qui est pervers, et en étant monothéiste, il est mieux que cet adorateur qui fait des associés à Allah Azza wa Jal. Certes, ce monothéisme commet des péchés capitaux. Et on néglige pas les péchés capitaux. Mais il ne fait pas d'associés à Allah Azza wa Jal. le plus grand des crimes, la plus grande des injustices, c'est de faire un associé à Allah Azzawajal. Il est évident que ce monothéiste qui commet ses péchés capitaux ne cherche pas secours auprès de quelqu'un d'autre qu'Allah. Il ne demande pas aux morts. Alors que ce vertueux que tu vois, il a de l'associationnisme. Et l'associationnisme anéantit les actes, comme le fait d'urluner, le fait de lâcher un gaz ou de faire ses besoins annule le dos. La même chose. La parole de Ibn Taymiyyah qui est passée avec nous, ses péchés, les péchés avec la validité du monothéisme est mieux que la non-validité du monothéisme sans les péchés capitaux. C'est-à-dire que quelqu'un qui commet les péchés capitaux, en étant monothéiste, est mieux que quelqu'un qui ne commet pas de péché en étant dans l'associationnisme. Pourquoi ? لأن الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى وهو أخطر الذنوب وأكبر ذنب عصي به الله عز وجل ولا يساويه أي ذنب وهو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فكل الذنوب تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر لأصحابها وإن شاء عذبهم فإن عذبهم فبعدل عذبوا وإن غفر لهم ففضل من الله غفر لهم ونعموا لكن الذين يموتون على الشرك ليس لهم عند الله رحمة يوم القيامة من الله عز وجل pourquoi on est en monothéisme et en commettant des péchés capitaux on n'est pas dans une situation dangereuse et que celui qui n'a pas de péché capitaux et qui est dans l'associationnisme, est dans une situation dangereuse. Pourquoi ? Parce que l'associationnisme, Allah subhanahu wa ta'ala ne le pardonne pas. Et c'est le plus grave des péchés. Et c'est le plus grand péché avec lequel on a désobéi à Allah. Il n'y a aucun péché qui arrive au degré de l'associationnisme. Et le seul péché que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. Il est dit dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on lui fasse d'associer. Il pardonne tout ce qui est en dehors de l'associationnisme. Tous les péchés sont sous le vouloir d'Allah. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut les pardonner à celui qu'il a, qui les a commis, il lui pardonnera. S'il veut les châtier, il va les châtier, ce sera justice min Allah azza wa jal. Et s'il leur pardonne, ce sera un bienfait avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala a comblé ses serviteurs. Mais quant à celui qui meurt sur l'associationnisme, celui-là, le jour de la résurrection, s'il meurt sur l'associationnisme, il n'a aucune clémence chez Allah Azza wa Jal. Amma al-muwahhid, ikhwata al-islam, falahu amal inda Allah, mahma asraf, wa mahma farrat fi hayatih. Lianna lahu hasanatun azima. Lianna lahu hasanatun azima. ما هي هذه الحسنة أيها الإخوة؟ هي التوحيد بارك الله فيكم الذي ربما يكفر جميع الذنوب أما المشرك فمهما عمل من الأعمال الصالحة فعمله يذهب هباء منطورا ومن هنا تفهم مخالفة القرضاوي لشرع الله فيما قاله عن البابا الهالك ومدحه له وقوله بأنه كان مخلصا في عمله وقدم للإنسانية وا ودعا له وربنا يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فكيف يقال عن البابا أو عن غيره من المشركين أنه قدم وأنه كان مخلصا في عمله والشرك يحبط العمل فهنا الله عز وجل Le monothéisme, il a un espoir chez Allah Azza wa Jal. Malgré les péchés qu'il aura faits, malgré sa négligence, malgré la désobéissance dans laquelle il sera tombé, mais il a une énorme hasana chez Allah. C'est quoi cette hasana, frère, en Allah Azza wa Jal ? Son monothéisme. Parce que le monothéisme, peut-être que son monothéisme va expier tous ses péchés. Quant à l'associateur, malgré ce qu'il aura fait comme bonne œuvre, ses œuvres vont partir en vain. ça va être de la poussière. Ils n'auront aucune valeur chez Allah. De là, tu comprends la divergence de l'Qardaoui avec la législation de Allah. Zawajal, quand il a fait l'éloge, dit le pape qui est mort. Il lui a fait ses éloges, il lui a fait dua, et il a dit en même temps que le pape était sincère dans ses actes et qu'il a fait pour l'humanité et qu'il a fait pour l'humanité. Alors que Allah, subhanahu wa ta'ala, il est dit dans le Coran, il t'a été révélé, il y a ceux qui sont venus avant toi. Si tu es associé, tes actes vont être avilis et tu seras parmi les perdants. Comment on peut dire du pape ou de quelqu'un qui est mort sur l'associationnisme qu'il a été sincère, hein? Qu'il a fait. Alors que l'associationnisme avilit et anéantit, hein? Et rend les actes non avenants. فالشرك إخوة الإسلام يحبط العمل والتوحيد هو الأساس لقبول العمل فهذه أعظم قضية فما الفائدة من الصلاة بدون توحيد وما الفائدة من الحج بدون توحيد وما الفائدة من أعمال الخير وإعانة البشرية بدون توحيد فإذا كانت هذه وغيرها لا تقبل إلا بالتوحيد فلما يترك هذا الأمر العظيم وهذه القضية الأساسية ويهتم بالقضايا الجانبية الكراسي السلطة إقامة الدولة ماذا ينفعنا هذا كله بدون توحيد بماذا سينفع ملك فرعون والنمرود أو غيره ممن ماتوا على الشرك وحاربوا التوحيد l'associationnisme frère en Allah عز وجل anéantit tous les actes. Le monothéisme c'est la base de tout, c'est la base pour que les actes soient acceptés. Et ça c'est le plus grand sujet et la chose la plus importante dans la vie de l'être humain, le monothéisme. À quoi ça sert la prière sans le monothéisme? À quoi servira le pèlerinage sans le monothéisme? À quoi serviront les bonnes œuvres sans le monothéisme? À quoi servira le fait d'aider l'humanité sans le monothéisme? Car tous ces actes-là ne pourront être acceptés min Allah qu'avec le monothéisme. Dans ces cas-là, s'il en est ainsi, pourquoi ne pas donner l'importance à ce sujet? Pourquoi ne pas donner l'importance au monothéisme? Pourquoi ne pas donner l'importance à cette base principale? Il y a ce pilier principal. Et pourquoi s'occuper, hein, d'autres sujets? Pourquoi s'occuper de ce qui est secondaire? Le gouvernorat, construire un pays, hein, avoir un État. À quoi ça nous servit? Ça va nous servir de gouverner un État sans le monothéisme. À quoi ça va nous servir d'être dans le gouvernement sans le monothéisme? À quoi ça va servir le royaume de Pharaon et le royaume d'Yannamrod alors qu'ils sont morts sur l'associationnisme? Ils ont combattu l'associationnisme. À quoi ça va leur servir? Ils ont combattu le monothéisme. Ils sont morts sur l'associationnisme. Pharaon, Namrod, qui est le roi contemporain d'Ibrahim, ils sont morts sur l'associationnisme. À quoi ça va leur servir, leur royaume, leur puissance, leur civilisation? Ces civilisations, hein, si on peut la considérer comme une civilisation. Ta'ammalou jayidan ikhwat al-islam. Inna haoulaï al-harakiyoun, wa haoulaï al-hizbiyoun, يتركون الأساس والشرط الذي لا بد منه لقبول جميع الأعمال ويتكلمون ويهتمون بالقضية التي تبنى عليه فهذا قصور وما بعده قصور. Méditez bien cette situation, frère en Allah, Azza wa Jal. Ces activistes, ces hizbites, ces adeptes de groupe et de parti, ils laissent la chose principale et la condition pour que les actes soient acceptés par Allah, Azza wa Jal, ils te parlent de sujets secondaires qui doivent être basés sur le monothéisme. Et ceux-ci, agissant ainsi, c'est une énorme négligence, frère en Allah, Azza wa Jal. Énorme négligence. وَتَذَكَّرُوا لَمَّا بَعَتَ النَّبِيُّ نَبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مُعَادًا إِلَى الْيَمَنِ مَاذَا قَالَ لَهُ مَاذَا قَالَ لَهُ أَيُّهَا الْإِخْوَةِ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ إِقَامَةُ الدَّوْلَةِ إقامة السلطة، أخذ السلطة، أخذ الكرسي، دعوهم إلى الحجاب، إلى الزواج، هل كان شيء من هذا؟ لا شيء من كل هذا كان، ولكن وجهه إلى أساس كل هذا وأصل كل هذا، شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحد الله. Rappelez-vous, frères, en Allah Azza wa Jal, quand notre prophète alayhi salatu salam a envoyé Mu'ad au Yémen, qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu vas aller chez les gens du livre. La première chose vers laquelle tu dois les inviter et les appeler, c'est qu'ils prennent le pouvoir, c'est qu'ils s'assoient sur le trône du Yémen, c'est qu'ils mettent le hijab, c'est qu'ils se marient, c'est qu'ils aient un état. Rien de tout ça. Rien de tout ça. Mais il l'a orienté vers la chose principale, qui est la base de tout ça. Vers le pilier principal, qui est la base de tout ça. Vers la fondation de tout ça. Attestez qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah Azza wa Jal. Dans une autre version, réservez le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. Min huna na'lam ayyuha al-ikhwatu fillah. أنها البداءة بالتوحيد وتصحيح العقيدة وتصحيح الأصل الذي تقبل به الأعمال، فبدون هذا الأصل الأعمال لا تنفع، فيا ليت شباب المسلمين يفهمون هذه القضية. Partons de là, frère, en Allah Azza wa Jal. Nous devons savoir que nous devons commencer par la priorité des priorités qui est le monothéisme. Authentifier les croyances, authentifier cette base principale, cette fondation principale sans laquelle les actes ne seront pas acceptés. S'il n'y a pas cette base principale, aucun acte ne sera utile pour qui que ce soit. Nous devons comprendre ceci. La jeunesse de l'islam doit digérer ce sujet, doit le comprendre. Il doit en faire sa priorité. فَإِذَا كَانَ مَنْ حَوْلَنَا إِخْوَةَ الْإِسْلَامِ يَصُومُونَ وَيَحُجُّونَ وَيَعْتَمِرُونَ وَيُزَكُّونَ وَيَعْمَلُونَ الْخَيْرَاتِ وَيَسْتَغِيثُونَ بِالْأَمْوَاتِ وَيَذْبَحُونَ لِلْأَمْوَاتِ وَيَدْعُونَ الْأَمْوَاتَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْ مَعَ اللَّهِ فَمَاذَا يَنْفَعُهُمْ هَذَا كُلُّهُ وَمَاذَا يَنْفَعُهُمْ الْكَلَامُ عَنْ إِقَامَةِ الدَّوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وماذا ينفعهم دعوتهم إلى الثورة ضد حكامهم وماذا تنفعهم الدعوة إلى الجهاد وإلى الحجاب فالشرك كما قال أئمة الدعوة ينقض الأعمال كما ينقض الوضوء الحدث فالحدث يبطل الوضوء إخوة الإسلام كما يبطل الشرك العمل فهذه خطورة الشرك ولا يحذر منه. C'est maintenant ceux qui nous entourent, jeunes, accomplissent le pèlerinage, font des omra, s'acquittent de la zakat, font beaucoup d'œuvres, mais à côté de ça, ils cherchent secours auprès des morts. Ils égorgent pour les morts. Ils appellent les morts en dehors d'Allah ou avec Allah Azza wa Jal. À quoi ça leur sert de leur parler de l'État islamique? À quoi ça leur sert de les appeler à se révolter contre leur gouverneur? À quoi ça leur sert de les appeler à faire le jihad? À quoi ça leur sert de les appeler à l'hijab? Shirk, l'associationnisme, qu'on dit les imams d'Al Dawa, qui ont pris la voie du plusieurs d'Allah alayhim et la voie des prophètes alayhim. Shirk annule les actes comme le fait de lâcher un gaz, ou d'uriner, ou de faire ses besoins, annule l'odo. Comme l'odo est annulé par l'urine ou par le fait de lâcher un gaz, la même chose, l'associationnisme annule les actes. Et ça, c'est là le danger de l'associationnisme. Comment il ne faut pas faire attention à l'associationnisme? Comment il ne faut pas attirer l'attention de la communauté sur l'associationnisme et sur les actes de l'associationnisme? فالشرك إخوة الإسلام سيئة لا ينفع معها عمل ولو كان مثل أحد لأنها تحبطه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. L'associationnisme, frère en Allah Azza wa Jal, c'est un péché avec lequel aucun acte ne servira. Même si l'acte et il est l'équivalent de la montagne de Hud, il sera avili du moment qu'il est accompagné de l'associationnisme. Il t'a été révélé ainsi qu'à ceux avant toi que si tu as saucé, tes actes seront avilis, seront anéantis et tu seras parmi les perdants. Et s'ils associent, leurs actes seraient non avenants. Tout ce qu'ils ont fait, ils seraient non avenants. فالشرك إخوة الإسلام أمره خطير ولذلك العجب لا ينقطع من دعاة يتركون أمر التوحيد والعقيدة وهي الأصل والأساس ويشتغلون بأمور أخرى وفي هذه المقدمة أشار الشيخ الفوزان إلى جماعة تعتني بالحكم والسياسة وتهمل الجانب الأعظم والأهم وهو جانب التوحيد فالحاكمية إخوة الإسلام ليست أصل الدين ولكنها من مكملات التوحيد وحقوق التوحيد ها l'associationnisme frère en Allah عز وجل est très dangereux c'est pour ça que ton étonnement ne s'arrêtera pas de ces du'at qui ne donnent pas d'importance au monothéisme ni à l'aqida qui sont les bases ils s'occupent d'autres choses et d'autres sujets et dans cette traduction dans cette préface du Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala il a fait allusion à ce groupe qui s'occupe plutôt de la politique et du pouvoir et qui a laissé de côté le sujet le plus important et la priorité des priorités qui est le monothéisme. L'hakimiyya frère en Allah azza wa jal, ce n'est pas la base de la religion. L'hakimiyya fait partie des obligations du monothéisme et des droits du monothéisme. Wa fi hadhihi al-faqra kadhalik wa hadhihi al-muqaddima أشار الشيخ الفوزان كذلك إلى جماعة التبليغ ها وإلى جماعة الإخوان وما تفرع عنهما لأنهما جماعتان مخالفتان لمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله ومخالفتهما وغيرهما لهذا المنهج ظاهرة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار Et dans ce paragraphe aussi, et dans cette préface, frère en Allah Azza wa Jal, Cheikh Al-Fawzan, a attiré l'attention sur Jama'at Tiblir, hein, la Jama'at du tourisme, et sur les Khwal Muflisoun, et des groupes qui découlent de ces deux groupes. Hein, parce que ce sont des groupes, et ce qui découle d'eux, hein, ces groupes-là et leurs voix sont en divergence avec la voix du prophète alayhi salatu wassalam. Et leur divergence avec la voix du prophète alayhi salatu wassalam, elle est claire comme éclaire le soleil en plein zénith. والمطلوب أيها الإخوة من هذه الجماعات يقول الشيخ الفوزان والمطلوب من هذه الجماعات أن تصحح مفاهيمها بمراجعة الكتاب والسنة لمعرفة منهج الرسل في الدعوة إلى الله فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الحاكمية والسلطة التي هي محور دعوة هذه الجماعة التي أشرنا إليها لا تتحقق إلا بعد تصحيح العقيدة بعبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. Et Cheikh Al-Fawzan de nous dire ce qui est demandé à ce groupe, c'est qu'il authentifie ses définitions en révisant le livre d'Allah et en revenant vers le livre d'Allah Azza wa Jal et vers la Sunna pour connaître la voie des messagers alayhi salatu wassalam donc da'wa ila Allah. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a annoncé que l'hakimiyya, le pouvoir, qui est le pivot de la da'wa de ce groupe, auquel le cheikh il a fait allusion, ne s'accomplit qu'après avoir authentifié les croyances, après avoir authentifié l'adoration, que l'adoration soit réservée à Allah subhanahu wa ta'ala tout seul, et uniquement à Allah azza wa jal. قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون Il est dit dans le verset qu'a cité Cheikh ici, Allah a promis à ceux qui ont cru parmi vous et fait bonne œuvre. Et il est évident que la bonne œuvre, pour qu'une œuvre soit bonne, il faut qu'il y ait deux conditions. La sincérité et le suivi de Mohammed alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala a promis à ceux qui ont cru parmi vous et fait bonne œuvre, qu'il va les faire succéder les uns derrière les autres sur terre, comme il l'a fait pour ceux avant eux. Et il va donner la force à leur religion qu'il leur a agréée. Il va leur changer leur peur en sécurité. Hada, c'est la promesse d'Allah. À quelles conditions? Il m'adore sans me faire d'associé. Et celui qui me croit, hein, après tout ça, hein, ceux-là, ce sont les pervers. Celui qui kfar, après tout ça, ceux-là font partie des pervers. Donc, l'hakimiya arrive après l'accomplissement du monothéisme. La sécurité et la suprématie arrivent après l'accomplissement du monothéisme, ikhwat al-islam. وهؤلاء يريدون قيام دولة يقول الشيخ الفوزان وهؤلاء يريدون قيام دولة إسلامية قبل تطهير البلاد من العقائد الوثنية المتمثلة بعبادة الموتى والتعلق بالأضرحة بما لا يختلف عن عبادة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى بل تزيد عليها أنهم يحاولون محالا ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال إن تحكيم الشريعة يقول الشيخ إن تحكيم الشريعة وإقامة الحدود وقيام الدولة الإسلامية واجتناب المحرمات وفعل الواجبات كل هذه الأمور من حقوق التوحيد ومكملاته وهي تابعة له فكيف يعتنى بالتابع ويهمل الأصل. Et cher de nous dire, cher Al-Fawzan, Hafidahullahu Ta'ala, Wamat Ta'abih, nous dit, ceux-là qui veulent accomplir un État islamique, avant de purifier hein, la terre, le pays de l'associationnisme et des croyances qui sont du domaine de l'associationnisme, qui se concrétisent dans le fait de l'adoration des morts, et dans le fait de s'attacher au mausolée des morts. Et ces actes-là ne sont pas différents de l'adoration qui est vouée à Lat, à l'Uzza, à Manath. Mais il y a encore, ça va encore plus loin, car il s'essaye d'arriver à quelque chose qui est impossible. Et il dit, Hafidhahullah Ta'ala, l'application de la législation, l'accomplissement des sentences, et l'accomplissement et la construction d'un État islamique et le fait de délaisser les interdits et ce qui est illicite et mettre en application les obligations, tout ceci, ce sont des choses qui font partie des droits du monothéisme et des choses qui complètent le monothéisme et qui suivent le monothéisme. Comment, dans ces cas-là, dit Hafidhahullah Ta'ala, s'occuper du secondaire et laisser l'essentiel? Comment s'occuper de la chose à laquelle sont suspendus ces actes? Comment négliger la chose à laquelle vont être suspendus ces actes et qui font partie des droits hein, de l'essentiel? Comment s'occuper de ce qui est secondaire et laisser l'essentiel? Comment s'occuper du secondaire et laisser l'essentiel? Bien sûr, Cheikh Fawzan, il ne néglige pas ce qui est illicite, etc. Mais il attire l'attention sur le fait que tout ceci doit être fait sur la base du monothéisme. Ils n'ont pas négligé le monothéisme et parlé de l'État islamique, alors que les gens baignent dans l'associationnisme. Faikhwat al-Islam, hada yajibu alayna an nafama, hatta la nakuna, hatta la naqa'a fi shibaki haoulai al-harakiyoun. Yajibu an nafama wa nahdama. فتأمل معي أخي في الله عندما تقرأ في كتب العقيدة والسنة والفقه أين تجد كتاب الحدود؟ أين تجد كتاب الإمارة؟ أين تجد كتاب القضاء؟ أخي هذا تجده في آخر الكتاب. افتح آخر كتاب في السنة أو الفقه فهناك ستجد كتاب الإمارة وكتاب الحدود وكتاب القضاء. إذا الحاكمية ليست أصل الدين وأساسه ولكنها من حقوق التوحيد وواجباته ومكملاته. Frère Allah Azza wa Jal, ce passage sur lequel attire notre attention, Cheikh Fawzan, nous devons le comprendre. le digérer pour ne pas tomber dans le filet des activistes. Nous devons le digérer comme il se doit. Maintenant, je t'appelle, frère en Allah, Azzawajal, que tu médites avec moi. Quand tu lis dans les livres des croyances, et dans les livres de la Sunna, et dans les livres de la jurisprudence, où est-ce que tu trouves le chapitre des sentences? Où est-ce que tu trouves le chapitre du gouverneur? Où est-ce que tu trouves le chapitre de la justice? Tout ceci, frère en Allah, Azzawajal, médite-le bien. Tu le trouves à la fin du livre. Dans les livres de la Sunna ou les livres d'Al-Fiqh, tu vas trouver le livre du gouverneur d'Al-Imara et des sentences et de la justice, tu vas le trouver à la fin et non pas au début. Donc l'Hakimiyya, ce n'est pas la base de la religion, ce n'est pas la fondation de la religion, mais il fait partie des droits du monothéisme et des obligations et des choses, et c'est une chose qui va compléter le monothéisme. وفي كتب السنة إخوة الإسلام ماذا تجد في الأول؟ كتاب الإيمان، كتاب التوحيد، وكثير من الناس لا يتصور هذا، ولكنه معروف، هذا معروف عند من يشم رائحة العلم. فأنت تسمع كثيرا من الناس يقول أنا لا أزني ولا أشرب الخمر ولا أكل أموال الناس بالباطل، صحيح أنني لا أصلي لكني لا أفعل هذه الأمور. وهنا واحد آخر يصلي ويفعل كل هذه الأمور من الأفضل إخوة الإسلام donc dans les livres de sunna frère en Allah azza wa jalla où est-ce que tu trouves quel livre tu trouves en premier dans les livres de la sunna le livre de la foi de l'iman le livre du monothéisme et beaucoup de gens ne font pas attention à ça ils ne l'imaginent pas ils ne se l'imaginent pas mais ceci est connu sur ceux qui sentent l'odeur de la science et qui ont senti l'odeur de la science. Tu entends beaucoup de gens te disent, je ne commets pas l'adultère, je ne bois pas du vin, je ne vole pas l'argent des gens. Hein? Mais c'est vrai, je ne prie pas, mais je ne fais pas toutes ces choses. Il y a un autre, il prie, mais il fait certaines de ces choses. Maintenant, qui est le meilleur parmi les deux? الذي يفعل هذه الكبائر ويصلي أفضل من هذا الذي لا يفعلها ولا يصلي. لما؟ Celui qui commet ses péchés et qui prie est mieux que celui qui ne le fait pas et qui ne prie pas. Pourquoi, frère en Allah Azza wa Jal? لأن ترك الصلاة أعظم من الزنا وأعظم من شرب الخمر وأعظم من السرقة وأعظم من أكل أموال الناس بالباطل ولكن كثيرا من الناس لا يفهمون هذا ويتصورون أن الذي لا يفعل هذه الأمور ولا يصلي على خير وترك الصلاة أعظم من كل هذه المعاصي مع أننا لا نهمل هذه الأمور وأنها كبائر من الكبائر ويجب على المسلم أن يتجنبها. Pourquoi, frère Allah, عز وجل, هذا qui prie, qui tombe dans les péchés, est mieux que celui qui ne prie pas, qui ne tombe pas dans les péchés? Parce que le fait de délaisser la prière, c'est plus grave que de commettre l'adultère. C'est plus grave que de boire du vin. C'est plus grave que de voler. C'est plus grave. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Ils s'imaginent que celui qui ne commet pas de péché et qui ne prie pas est mieux que celui qui fait la prière et qui fait certains péchés. Évidemment, on ne néglige pas les péchés. Mais juste pour te montrer que des fois, on a des fausses compréhensions. On a des ambiguïtés sur certaines situations. كذلك الآن هؤلاء هؤلاء الذين يطلبون الذين يطلبون الخروج على الحكام مثلا عندما نرى هذا مثال وفهموه جيدا عندما نرى أحد الحكام يعظم التوحيد ويهتم به ولكنه معطل لكثير من حدود الله مخافة محافظة على منصبه مجارة للدول الكبرى وما إلى ذلك من الأمور وحاكم آخر يقيم كثيرا من الشرع لكنه يدافع عن الشرك وأهله وابن القباب فوق القبور ويفتتح الموالد ويعين على ذلك. Si maintenant voici un exemple, frère en Allah, Azzawajal, et méditez-le bien. On voit un gouverneur qui donne l'importance au monothéisme, qui s'occupent du monothéisme. Mais il n'accomplit pas beaucoup de sentences de la législation d'Allah Azzawajal pour préserver son poste et pour plaire au grand pays, aux grandes nations, et ainsi de suite parmi les citations. Il y a un autre gouverneur qui accomplit beaucoup de la législation, mais qui défend l'associationnisme et les gens de l'associationnisme, et qui construit des mausolées sur les morts, et qui préside l'ouverture des fêtes d'El Maulid, et il aide à tout ça. Et il ne propage pas le monothéisme, il n'aide pas les gens qui propagent le monothéisme. Qui est le plus? من الآن من هذا من أشد إثما عند الله من فيهم من في هؤلاء الحكام أشد إثما عند الله فهذا الذي لا يعين على التوحيد ويعين على الشرك وعلى البناء في القبور أشد إثما عند الله من الأول فالناس كثير من الناس لا يفهمون الأمور كما يجب فهمها ولا يزنونها كما يجب أن توزن بميزان الشرع On Allah Azza wa Jalla maintenant, celui qui n'aide pas le monothéisme et qui n'aide pas ce qui appelle le monothéisme et plutôt aide l'associationnisme et construit des mausolées sur les tombes, etc. Et inaugure le fait d'Al Maulid, etc. Qui est maintenant mieux, le gouverneur qui donne l'importance au monothéisme et qui n'applique pas certaines sentences ou Hada qui aide le monothéisme, qui n'aide pas le monothéisme et plutôt propage l'associationnisme. Qui, lequel parmi eux, sa situation est pire chez Allah Azza wa Jalla. Il n'y a aucun doute que c'est le dernier, celui qui aide l'associationnisme, celui qui construit du mausolée. Même s'il accomplit certaines sentences, même s'il accomplit toutes les sentences. Beaucoup de gens ne comprennent pas les situations comme ils doivent les comprendre. Beaucoup de gens ne pèsent pas les situations comme ils doivent être pesés. Beaucoup de gens ne pèsent pas les situations avec la législation. فالناس الآن عندهم من يقيم بعض الحدود ويقول أنا دولة إسلامية لكنه يدعو إلى وحدة الأديان كذلك التراب الضال المضل الذي أراح الله سبحانه وتعالى منه إخواننا في السودان زعم الحزبيون والحركيون في ذلك الوقت أنه أسس دولة إسلامية قالها ذلكم الضال الذي أراح الله المسلمين منه يجوز للنصران في دولتنا أن يكون مسلما وكذلك يجوز للمسلم أن يكون نصرانيا ونفس الكلام قاله طارق رمضان على أمواج الإذاعة الفرنسية منذ 10 سنوات مضت فهذا التراب أشد من كل الحكام الذين عرفنا لأنه يقول يجوز عندنا حرية الاعتقاد ويدعو إلى حرية الأديان والأخوة بين الأديان ويسوي وسوى مؤتمرات لكل هذا فهنا الله عز وجل les gens maintenant celui qui accomplit les sentences et qui dit je suis un pays musulman et qui appelle vers l'unicité des religions comme cet égaré d'Yal Torabi qui avait le pouvoir à un moment donné au Soudan, cet égaré égareur, après les hizbis, les activistes, ont prétendu à cette époque que Tourabi avait construit un État islamique. Cet égaré a dit, Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a reposé nos frères du Soudan de cet égaré. Il a dit, le chrétien dans notre pays a le droit d'être musulman, comme il est permis aux musulmans d'être chrétiens. La même parole, il y a une dizaine d'années sur les ondes d'une radio française, Tariq Ramadan a dit la même chose. Ce Tourabi, parmi les gouverneurs qui sont passés dans le pays musulman, est le pire des gouverneurs qui a été connu. Car il dit, nous avons le droit, la liberté des croyances. Et il appelle vers la liberté des religions. Et vers la fraternité entre les religions. Il a même fait les plus grands séminaires et les plus grands congrès de l'unicité des religions. C'est fait au Soudan, à son époque. السودان يا راح الله منه إخوتنا في السودان، قال أمورا أشد من هذا. ولكن الذي يعنينا هنا أن الرجل كان تربى على كرسي الدولة وقال مثل هذا الكلام، ومجده الحركيون واعطوه الألقاب، فهؤلاء مهما قطعوا يد السارق فهم في الحقيقة مفرطون في الأصل، لأن كل الحدود وإقامة الشريعة من حقوق لا إله إلا الله ومن مكملات لا إله إلا الله، وليست هي الأصل إخوة الإسلام. دوك سترى بسوداني الله سبحانه وتعالى السولاجي نو فخير دي سودان de ce tourabi. Il a dit des choses encore pires que ça. Mais ce qui nous concerne ici, à ce sujet-là, c'est que cet homme était sur le pouvoir, à un moment donné, de l'État soudanais. Et il a dit ce genre de paroles. Et les activistes lui ont fait des éloges, ils lui ont donné des titres. Cela, Ikhwat al-Islam, même s'ils coupent la main du voleur, même s'ils font, ils font. En réalité, cela, on négligeait la base des bases. Car le fait d'accomplir les sentences, le fait d'accomplir la législation de Allah, ceci fait partie des droits de la ilaha illallah. Il fait partie des choses qui complètent la ilaha illallah et non pas la base de la religion. La base, c'est le monothéisme, frère en Allah. Et il le Cheikh Al-Fawzan, حفظه الله تعالى ومتع به, وإنني أرى ما وقع لتلك الجماعات من مخالفة لمنهج الرسل في طريقة الدعوة إلى الله إنما نشأ من جهلهم بهذا المنهج، والجاهل لا يصلح أن يكون داعية، لأن من أهم شروط الدعوة العلم، كما قال تعالى عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأهم مؤهلات الداعية العلم. الشيخ الفوزان de nous dire, حفظه الله تعالى, et je vois la situation dans laquelle sont tombés ce groupe. Cette situation dans laquelle ils sont tombés, qui est une situation en divergence avec la voie du prophète عليه الصلاة والسلام dans la voie de l'Dawa, ceci émane de leur ignorance de la voie de la da'wah du messager alayhi salatu wa sallam. Il dit l'ignorant ne mérite pas, n'est pas bon pour être da'i et pour prêcher, car fait partie des plus importants, la plus importante des conditions pour da'wah, c'est la science, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit de son prophète alayhi salatu wa sallam. Il dit dans le verset, dis ya Muhammad, ça c'est ma voix, j'appelle vers Allah avec science, moi et ceux qui me suivent, et gloire à Allah, je ne fais pas partie des associateurs. Et Cheikh Fawzan de nous dire, et le plus grand bagage du da'i, c'est la science. Et il dit, حفظه الله تعالى, ثم إننا نرى هذه الجماعات المنتسبة إلى الدعوة مختلفة فيما بينها. فكل جماعة تخطط لنفسها خطة غير خطة الجماعة الأخرى وتنتهج غير منهجها، وهذه نتيجة حتمية لمخالفة منهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإن منهج الرسول واحد لا انقسام فيه ولا اختلاف عليه، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه السبيل الواحدة، فأتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على هذه السبيل الواحدة لا يختلفون. الشيخ حفظه الله تعالى de nous dire, et nous voyons que ces groupes qui prétendent faire la da'wa sont en divergence entre eux. Chaque groupe a fait une stratégie et a créé une voie pour lui dans la da'wa qui est différente de la da'wa de l'autre groupe. Et ça, il dit, حفظه الله تعالى, que ça, le résultat, c'est parce qu'ils sont en divergence avec la voix du prophète alayhi salatu wasalam. Car la voix du prophète alayhi salatu wasalam, il est unique. Il n'y a pas de division dedans. Il n'y a pas de divergence. Comme il est dit dans le verset, ça, c'est ma voix. J'appelle vers Allah avec science, moi et ceux qui me suivent. Donc ceux qui suivent Muhammad alayhi salatu wasalam, dit Cheikh Abdallah ta'ala, sur sa voix, ils ne pourront pas être en divergence. C'est pour ça. Frère en Allah, comme vous regardez, les frères musulmans en Inde sont différents dans leur voix des frères musulmans en Égypte et des frères musulmans au Maroc. Et quand vous voyez les frères salafis et l'école salafie, à travers le monde, il est unique. Leurs sources, ils font référence aux mêmes choses. Ils n'ont pas de divergence entre eux dans la façon de faire dawa et dans toute la voie. Réfléchissez à ça. Tu rencontres un salafi hindou et tu discutes avec. Tu vois que vous êtes sur les mêmes longueurs d'onde. Vous partez du même point. Vous arrivez vers le même but. Et vous allez vers le même but. Deux frères, Dial Ikhwan, les Muflisoun, deux qui se rencontrent, un d'Asie et un d'Afrique du Nord, ils sont aux antipodes. Pourquoi? Parce qu'ils sont en divergence avec la voix du prophète alayhi salam. Et il est évident aussi qu'on, dans le passage qui est passé avec nous, Cheikh Hafidhahullah Ta'ala a dit que celui, l'ignorant, ne mérite pas d'être, hein, d'être un da'i. Et en bas de la page, il y a Cheikh Rabi, il a mis une annotation. Il a dit, wa ba'd ha'oula'i alladhina yantasibuna lid-da'wati ila l'islam, law sa'alta ahadahum ma huwa l'islam wa ma hiya nawaqiduh, lam yastati' an yujiba ijabatan sahiha, fa kayfa jaza li mithli hadha an yakuna da'iya. Voici un commentaire en bas par rapport au paragraphe comme quoi l'ignorant ne mérite pas d'être da'i. Cheikh Rabi a fait une annotation en bas et il a dit, certains parmi ceux qui font partie de la da'wa vers l'islam, si tu leur poses des questions sur c'est quoi l'islam, c'est quoi les choses qui annulent l'islam, ils ne te répondent pas, ils ne savent pas répondre comme il se doit, ils ne savent pas te donner, hein, les réponses adéquates et les réponses avenantes. Hein? Hadou, ils ne méritent pas d'être da'i il l'islam. Wa taban ikhwat l'islam. لب القضية ولب المسألة في الدعوة إلى الله والعلم. والقضية كما قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. هذا تسأله عن تفاصيل الإسلام ولا يحسن الإجابة. بماذا بعثت الأنبياء لا يحسن يجيب. ويقوم بين الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ربنا الله الذي خلقنا ورزقنا. نحن معك في هذا. وهو الذي يشفينا نحن مع كذلك معنا في معك في هذا وأبو جهل لو كان حيا لقبل هذه الدعوة لأن ليس فيها دعوة إلى التوحيد الذي جاءت به الرسل وأبو جهل يعرف ويعتقد أن الله يشفيه ويرزقه ما عنده مشكلة في هذه القضية أبو جهل غضب وأخذته العزة بالإثم لما قيل له اترك ما كان يعبد آباؤك وأجدادك هذا هو سبب الصدام أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب فلما دعوا إلى الإسلام نفروا وهذا دين الله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وكان أن جرى لأحد مشايخنا في مجلس مع بعض عوام العوام وكان الشيخ يدعو إلى التوحيد في كل مجالسه فكان أن صدم بالذي دعاه إلى بيته ينكر عليه كيف ينكر الذبح لما يسمونه بأغرام والمرابط والشرفاء وكذا وكذا إنما ينكر عليهم لماذا يذبحون عند قبورهم وكان يوجههم إلى التوحيد فأنكر عليه وهذا هنا معنا هنا هذه القصة هنا في فرنسا فهذا الذي يقول الله هو الخالق الله هو الرازق نحن معك في كل هذا أخي ولكن ماذا نصنع بعد ذلك يقول لك تعال نخرج في سبيل الله وهذا ليس هو أصل الدين والأمر الذي بعثت له الأنبياء والرسل فإن الله عز وجل يبدون كو Il est évident, frère en Allah, Azzawajal, que le point sur lequel le commentaire qu'a fait Cheikh Rabi en bas de la page, où il dit que celui qui n'a pas la science ne mérite pas d'être, hein, d'être da'i illallah, et que Beaucoup parmi eux, quand tu leur poses la question sur les détails de l'islam, ils ne savent pas te répondre. Beaucoup parmi eux, quand tu leur demandes des détails sur la voie de la da'wah du prophète, alayhi salam, ils ne savent pas répondre. Et pas certains parmi eux, frère, en Allah, ils s'élèvent entre les gens et disent, dites la ilaha illallah, vous allez réussir. Allah, c'est lui qui nous a créés. Allah, c'est lui qui nous donne la subsistance. Allah, c'est ceci, cela. Nous sommes d'accord avec toi. Mais sache, frère, en Allah, qu'Abu Jahl, s'il était vivant, il aurait accepté cette da'wah. Car il n'y a pas l'appel au monothéisme, au fait de réserver le culte exclusivement à Allah. Ce monothéisme avec lequel Allah, subhanahu wa ta'ala, il a envoyé les messagers, alayhi salatu wassalam. Et Abu Jahl savait, il croyait, il savait et il croyait que Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui le guérissait. C'est lui qui lui donne la subsistance. Il n'avait aucun problème à ce niveau-là. Abu Jahl s'est mis en colère et l'orgueil, il a habité, hein, quand on lui a dit, délaisse qu'adorer tes parents et tes aïeuls, hein, et adore Allah exclusivement. Ça, c'est la cause, hein, du choc et de la guerre qu'a amené Abu Jahl contre Mohammed Ali. Quand il lui a dit, réserve ton culte exclusivement à Allah, azzawajal, et tous les associateurs comme Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits ont dit, est-ce qu'il a fait que les divinités soient une seule? Ceci est une situation extraordinaire. Chaque fois qu'on les appelle à la soumission à Allah et au fait de réserver le culte exclusivement à Allah, ils se sauvent. Ils se sauvent. Celui qui dit, Allah, c'est lui qui a donné la subsistance, Allah qui crée, etc. Nous sommes avec toi dans tout ça. Mais qu'est-ce que nous devons faire après? Quand il lui pose la question, il dit, viens, sors avec moi sur le sentier d'Allah. Il est évident que ça, ce n'est pas la base de la religion. Ce n'est pas la chose. Hein? Ce n'est pas la voie des prophètes. Et il y a, pendant le mois de Ramadan, l'un de nos cheikhs, Ta'ala, était dans une assise, dans une maison, avec des communs de musulmans d'Afrique du Nord. Et dans toutes ces assises, Hafidallahu Ta'ala, durant ce mois, il n'a fait que l'appel au monothéisme. Et un soir, il a invité chez quelqu'un et il a commencé à parler, à attirer l'attention comme quoi on n'a pas le droit de dégorger pour les tombes de ce qu'on appelle la gurram, c'est-à-dire les saints, les guérisseurs et des trucs comme ça, comme il y a en Afrique du Nord, le marabout et ainsi de suite. Et celui qui est à la maison, qui a invité, s'est mis en colère. Il lui a dit comment? Nos parents étaient sur cette voie, nos aïeuls, alors tous nos parents, tous nos grands-parents, etc., étaient dans l'erreur, etc. Frère en Allah, Azzawajal, là, il ne faut pas croire que hein, la socialisme n'existe pas. Regardez autour de vous, regardez les amulettes, regardez, hein, il y a des jeunes qui sont venus me voir, moi je ne croyais pas mes yeux, ni ici, qui a grandi dans les écoles ici. Il a acheté une Mercedes, il est venu me voir, il m'a dit, Hassan, fais-moi une amulette pour ma voiture, pour la protéger contre l'œil. Et vous voulez. Il est des fois qui t'arrête à un stop ou quoi que ce soit et tu vois la voiture qui porte l'emblème de médecin et dedans il y a accroché une main de Fatma ou là un fer à cheval. كذلك الفريق عندنا فريق آخر هؤلاء هكذا وعندنا الفريق الآخر ها وعندنا الفريق الآخر المهيجون الذين يهيجون أمة الإسلام وشباب الإسلام اليهود في فلسطين الأمريكان في العراق وفي أفغانستان صحيح فماذا نصنع يجيبونك تعالوا نزيل العوائق ما هي العوائق حكام المسلمون هل هذا هو دين الإسلام دين الإسلام الذي بعثت به رسول الله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت دين الله هو إفراد الله بالعبادة ونبذ كل ما يعبد من دون الله هذا هو دين الأنبياء والرسل فهؤلاء الذين يخالفون منهج الأنبياء كما قال الشيخ الفوزان أوتوا من قبل جهلهم ما يعرفون هذا المنهج وبالتالي لا ينتظر منهم أن يدعوا إليه Et nous avons le deuxième groupe, à côté de ce groupe-là, ceux qui excitent la jeunesse, qui excitent l'awam contre leur gouverneur. Ils te disent, les Juifs sont en Palestine, les Américains en Irak, les Américains en Afghanistan. Tout ceci est vrai. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Quel pouvoir nous avons? Quelle puissance nous avons? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ils te répondent, venez, d'abord il faut enlever les obstacles. C'est quoi les obstacles? Il faut se révolter contre les gouverneurs qu'il y a dans les pays de l'islam parce que c'est eux qui nous empêchent de faire le combat. Par Allah, est-ce que ça c'est la religion de l'islam? Est-ce que ça c'est la religion avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers? Il est dit dans le Coran, adorez Allah, vous n'avez d'autre digne d'être adoré qu'Allah, adorez Allah et évitez tout ce qui s'adore en dehors d'Allah, azzawajal. Ça c'est la religion d'Allah, c'est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et de délaisser tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la religion du prophète et des messagers. Et ceux qui sont en divergence avec les prophètes et les messagers alayhi salatu wasalam, comme il l'a dit Cheikh Al-Fawzan, ils ont été atteints, ce sont des ignorants. Ce qui les a induits à la voie et à être en divergence avec les prophètes alayhi salatu wasalam, c'est leur ignorance. Ils ne connaissent pas la voie du prophète alayhi salatu wasalam. Et donc il ne faut pas s'attendre d'eux qu'ils vont t'inviter et qu'ils vont appeler vers la voie et selon la voie du prophète alayhi salatu wasalam. وطبعا إخوة الإسلام من ثمارها تعرفونها إذا تكلمت في التوحيد قالوا يفرق الناس وإذا تكلمت في السنة قالوا يفرق الناس وعندما يدرس العلماء كتب التوحيد وأبواب كتب السنن المتعلقة بهذا الأصل العظيم وغيره من أمور الدين يصيحون ما هذا اليهود في فلسطين الأمريكان في العراق وأنت تقول حدثنا وأخبرنا إيه naturellement. On les connaît avec quoi? On les connaît avec leurs fruits. Quand tu parles du monothéisme, Hada, il divise les gens. Quand tu parles de la sunna, Hada, il cherche la division. Quand les hommes de science enseignent les livres du monothéisme et les chapitres qui concernent le monothéisme et la foi à travers les livres d'Yel Sunna, ils disent, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Les juifs sont en Palestine. Les Américains sont en Irak. Et toi, Haddatana, il nous a été rapporté, il nous a été rapporté, il nous a été rapporté. Fama hiya timaruhum ikhwat al-islam. Timaruhum annahum yamna'una at-tullab wa yamna'una ash-shabab min dirasati at-tawhid wa dirasati kutub at-tawhid wa kutub as-sunan wa yajma'unahum 'ala kurati al-qadam wa 'ala al-masrah wa 'ala al-anashid wa 'ala al-kharajat wa lil-asaf تجد كثيرا من شبابهم ما يحفظون الأربعين النووية ويحفظون كثيرا من الأناشيد. هذا هو الذي يرجى منه إقامة الخلافة الإسلامية. فمن ثمارها تعرفون إخوة الإسلام النتيجة منامات خرافات أحلام أناشيد تمثيليات قصص لا تصح فرق منشدات فرق منشدين وهذا طبعا عندهم لا يقطع الأمة عن قضاياها المصيرية. ولكن تعليم التوحيد وتعليم السنة والعلم هذا يشغل المسلمين عن قضاياهم المصيرية. من الله عز وجل à travers leur fruit il les reconnaît. Ils interdisent à la jeunesse d'apprendre le monothéisme. Ils interdisent à la jeunesse l'apprentissage de la sunna. Ils réunissent la jeunesse autour du football, autour du théâtre, l'anachid, les sorties et malheureusement beaucoup de leur jeunesse n'apprennent pas, n'ont pas mémorisé les 40 nawawi. Et beaucoup parmi eux connaissent beaucoup d'anachid. Est-ce que de ceux qui connaissent l'anachid, tu espères qu'ils vont accomplir la khilafa islamique? De ces fruits, vous la connaissez. Le résultat, c'est quoi? Comme c'est l'yassinite, des histoires à dormir debout, des rêves, hein? Anachid, des histoires qui n'ont ni tête ni queue, des théâtres, des groupes de femmes qui font le nashid maintenant, et de jeunes filles qui font le nashid, et des groupes de jeunes garçons qui font le nashid, et d'hommes qui font le nashid. Et naturellement, ça ne coupe pas la communauté des choses essentielles de sa vie. Mais l'enseignement du monothéisme, l'enseignement de la sunna, la propagation de la science, ça occupe la communauté de l'essentiel de sa vie. Vous voyez un petit peu où est-ce qu'on arrive? Vous voyez un petit peu, il faut qu'on se rende à l'évidence. Il faut qu'on se rende à l'évidence, croit l'islam. Lima kullu hada. Lima yamna'un ash-shabab min al-'ilm wa min at-tawhid wa min as-sunnah. Kullu hada li'annahum ya'lamun ikhwat al-islam 'ilma al-yaqin anna man shamma رائحة العلم لن يعود إليهم أبدا، فكل من شم العلم وعرف أهله عرف عوار هؤلاء، وأن دعواتهم زائلة وزائفة. كم لهم من السنين على هذه الطريقة؟ ماذا حققوا للأمة؟ بل الأمة من أسوأ إلى أسوأ، ويبرمجون ويخططون إلى أن يقتربوا إلى القمة ثم يقعون على رؤوسهم. لما؟ لأنهم لم يبنوا على الأساس الذي يبني على الريح وعلى الرمل في جانب البحر، كيف سيكون بنيانه؟ ولم يبدأوا بما بدأ به أنبياء الله، ثم يعيدون الكرة، البرمجة، التخطيط. لا يتعلمون من كلمات الله الشرعية ولا من كلمات الله الكونية، ما يستفيدون لا من الشرع ولا من الواقع، ويزعمون أنهم فقهاء الواقع، ولكنهم لا واقعا فقهوا ولا شرعا فقهوا. Pourquoi, frère, on Allah Azza wa Jal, ils essayent par tous leurs moyens de détourner la jeunesse de la science? Parce qu'ils savent, ils ont la certitude que celui qui goûte la science et qui sent l'odeur de la science va plus revenir avec eux. Celui qui sentira la science et qui connaîtra les hommes de science, il va connaître, ils vont apparaître devant lui sur leur vrai visage, et leur da'wa va lui apparaître fausse comme il l'est. Et il va savoir que c'est une da'wa nulle et non avenante. Combien ils ont d'années? Pour certains, ça fait un siècle qu'ils sont sur cette voie-là. Qu'est-ce qu'ils ont accompli pour la communauté? La communauté va de pire en pire. Et ils n'arrêtent pas avec leur programme, avec leur stratégie, jusqu'à arriver au sommet, ils tombent sur leur tête. Pourquoi ils tombent comme ça? Parce qu'ils ne construisent pas sur une fondation. Parce que celui qui va au bord de la plage construire une maison, il est évident que sa maison va partir. Parce qu'ils n'ont pas de fondation, ils n'ont pas commencé par là où ont commencé les prophètes d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et chaque fois qu'ils arrivent au sommet, ils tombent. Et après, ils recommencent. Re-programme, re-stratégie. Ils n'apprennent rien de la législation d'Allah. Ils n'apprennent rien de la sunna, de l'univers. Ils n'apprennent rien ni de la législation, ni du quotidien, ni du vécu qu'ils vivent, ni de Hada, ils ne prennent pas la leçon des situations qu'ils ont vécues. Et ils prétendent qu'ils sont fuqaha al-waqi', qu'ils comprennent l'actualité, qu'ils comprennent la réalité de la situation. Mais en réalité, ni actualité ils ont compris, ni législation d'Allah subhanahu wa ta'ala ils ont compris. Ils ont tout faux. وطبعا كذلك هذه الجماعات كلها في خلاف فيما بينها، اختلافات. واختلافات هذه الجماعة ليست هي من نوع اختلاف التضاد، ولا يصح وصفهم باختلاف التنوع. فهذا صلاح الصاوي في أمريكا الذي قال عنه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى: صلاح الصاوي خليفة سعيد حوى في الضلال. هذا الرجل يصور الجماعات الموجودة الآن أنها كالكليات في الجامعة الواحدة، وأن الاختلاف بينها اختلاف تخصص. ترون الجامعات وتفهمون تركيب الجامعات، فانظروا إلى الهوى وإلى الضلال كيف يلبس على الناس. Évidemment, frère, on Allah Azza wa Jal, ces groupes qui existent, qui sont sur le terrain, sont en divergence entre eux. Et leur divergence est une divergence du contraire, l'opposition totale. Il n'est pas permis. Il ne sied pas à quelqu'un de doué de raison de dire que la divergence qu'il y a entre le groupe qui est sur le terrain, ça fait partie de la divergence de la diversité, que c'est une diversité. Loin de là. Salah Saoui aux États-Unis, ce Salah Saoui, Cheikh Mokbel, rahimahullah ta'ala, a dit que c'est le remplaçant de Saïd Houa. Saïd Houa était l'un des grands penseurs de l'Ikhwan Muslimin. Et Salah Saoui, Cheikh Mokbel a dit de lui, c'est le remplaçant de Saïd Houa dans les garments. Ce Salah Saoui est en train d'y faire imaginer que les groupes qui existent sur le terrain maintenant sont comme les facultés dans une université. Et que les différences qu'il y a Et les divergences qu'il y a entre ces groupes, ce sont des divergences de spécialité. Vous connaissez, hein? L'université, tu trouves dedans, la faculté de sciences, etc. Je n'ai pas besoin à vous le numérer. Bah, Salah Saoui, il est en train de nous dire ça. Et ceci, évidemment, c'est induire les gens en erreur. C'est déguiser la situation. C'est claquer des ambiguïtés dans l'esprit de la jeunesse. Par Allah, ces groupes ne sont pas comme les facultés dans une université, loin de là. Ces groupes sont en divergence avec la voie des prophètes, alayhi salatu wassalam. فيقول هذا كل جماعة قائمة على اختصاص وأنها كلها تصب في مصب واحد هل تصدقون أنتم هذا؟ طبعا هذا كذب هذا تلبيس على الناس أو عمى لأن العمى قد يري الأمور على غير حقيقتها أو كالمريض الذي يذوق الماء العذب فيجده مرا وكما قال القائل وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمض وقد ينكر الفم طعم الماء من سقام هذا اللي en train ce Saoui est en train de nous décrire ces groupes qui existent sur place comme quoi que c'est des groupes que chacun il est dans une spécialité et que tous vont dans le même sens et œuvrent pour le même sens. Est-ce que vous prenez comme véridique cette parole de Salah Saoui? Naturellement, ça c'est un mensonge, c'est le déguisement de la situation ou c'est l'aveuglement, car des fois, l'aveuglement montre les choses sur autre chose que leur réel aspect. Ou comme le malade, des fois il goûte l'eau, il la trouve amère, alors que l'eau, il est douce, parce qu'il est malade. Et des fois, parce qu'on a quelque chose qui ne va pas dans l'œil, on a des croûtes dans l'œil, hein, bah, on n'arrive pas à reconnaître la lumière du soleil. Et des fois, la bouche, parce qu'on est malade, on va pas reconnaître le goût. Le goût va être amer d'une chose. ويحكي من عاش مع هؤلاء الحركيين إخوة الإسلام في السجن بأنهم يضرب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا وهؤلاء إذا أطلقت لهم الأمور كيف سيكونون؟ وتهديدات إخواننا السلفيين في بروكسل وإرغامهم على مغادرة المسجد وترك المكان فارغا ليس عنا بالبعيد. Et certains qui ont vécu avec ces activistes, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ramené à leur raison, qui a vécu avec eux dans des prisons, ils disaient qu'ils se frappaient les uns les autres, qu'ils s'insultaient, qu'ils se maudissaient les uns les autres. Et là, ici, ils ont le pouvoir dans les mains, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les avertissements et les menaces qu'ils ont fait contre nos frères salafis de Bruxelles, ils les ont obligés à quitter une mosquée. Il n'y a pas longtemps, il y a à peine un mois, nos frères ont eu la possibilité d'avoir une mosquée. Parce que les tekfiris de certains quartiers de Bruxelles ne payaient plus le loyer. Vous imaginez? Il Awa, mais celui qui est propriétaire, les a mis dehors. Et nos frères ont essayé, on a fait appel à eux, ils sont venus pour la mosquée, et ils ont commencé à faire cœur, ils ont été menacés. Et s'ils ne quittaient pas les lieux, qu'il leur arriverait ceci, cela et à leur famille, ainsi de suite. Ils étaient obligés de laisser la place. Et maintenant, cette mosquée, elle est fermée. Le commun du musulman, dont c'est la propriété, il l'a fermée. Ah, donc quand ils ont le pouvoir, là, ils commencent avec ceux qui sont sur la sunna. En Allah Azza wa Jal. Fassawi yaqoul, al-jama'at ou kal-kulliyat fil jami'a. وهؤلاء في الحقيقة يريدون من أهل السلفية أن يسكتوا وأن يكونوا كالصم البكم الذين لا يعقلون فنسمع عن تناحرهم في السجن فكيف إذا أعطيت لهم الحرية ووسد إليهم الأمر ماذا سيصنعون؟ فهنا الله عز وجل صاوي هذا دي كو سي جروب sont comme les universités, comme les facultés dans une université. Mais en réalité, ces gens-là, ces groupes, ils veulent des gens de la salafia qu'ils se taisent. Et des savants de la salafia qu'ils se taisent. Et qu'ils deviennent comme les sourds et les muets. Et on entend de la guerre entre eux dans les prisons. Comment il en est s'ils ont la liberté et qui s'ils ont le pouvoir dans les mains, qu'est-ce qu'ils vont faire? تذكروا هذا أن هؤلاء أول شيء سيصنعون سيبدأون بذبح السلفيين فما أحداث مساجد إخواننا السلفيين بغزة عنا ببعيد، وما أحداث الشيخ أبو منال العلمي العراقي السلفي عنا ببعيد، وما فعل به الخوارج هناك، وما أحداث إخواننا في مركز الفرقان ببروكسل، وما يحاك لأخينا حيتي في كندا من قبل هؤلاء المنحرف عنا ببعيد. غابلي بو فخيرون الله عز وجل. ها كيس كيل لا بروميير دي شوز كيل فون فير سي اكتيفيست ا لا بروميير شوز يل فون سو روتورني دابور كونتر لي سلافي. راه لي زيفينمون دي موسكي دو نو فخير سلافي باليستينيان غزا نو سون با لوان دو نو. سكي تاريفي الشيخ ابو منال العالمي العراقي السلفي ce n'est pas loin de nous. Est-ce qu'ils ont fait le khawarij, ils ont fait, hein, comment ils ont arrosé, hein, de balles sa mosquée et les prieurs après, juste au moment où ils ont dit salamu alaykoum de salat al-fajr. Et Cheikh Abou Manal, il le connaît par Cheikh Rabé, il le connaît par le Mashaïr, hein, et ensemble, tous les deux, on a été visités avec Cheikh Abou Manal, on a été visités Cheikh, hein, Ubaid, pendant la daura de Jeddah. C'est un salafi qui est connu, Cheikh Abou Manal. Et la première des choses, il n'a pas souffert ni d'aucun groupe. Ceux qui l'ont arrosé et qui étaient fiers de l'avoir fait, ce sont les Khawarij. Ils ont même dit, nous avons tué un ennemi sur leur site. Nous nous sommes débarrassés d'un ennemi. Mais il est vivant encore, alhamdoulilah. Et la situation, et ce que subissent nos frères, dans le centre, le Fourqan à Bruxelles, n'est pas loin de l'eau. Et toutes les manigances, et tout ce qu'on trame au Canada contre nos frères Haïti, n'est pas loin de nous non plus. Par tous ces groupes égarés. « Wa laqad ahsana wa ajada wa afada imamu al-jarhi wa al-ta'dil »« Al-allamatu al-shaykh Rabi' indama kataba hada al-kitab »« Wa kitabahu jama'atun wahida la jama'at » وصراط واحد لا عشرات فعليكم بقراءته فستبين فسيبين لكم وتتبين لكم أمور وأمور فجزاه الله عنا خيرا وعن المسلمين كل خير وحفظه الله ومتع به. الشيخ ربيع حفظه الله تعالى a fait un grand bien. Il a bien fait, il a fait les choses comme il se doit. Lui, l'imam de la réfutation et de l'éloge, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée ses œuvres et qu'Allah subhanahu wa ta'ala allonge sa vie dans l'obéissance à Allah et dans la défense de cette voie des puiseurs d'Allah alim. Il a bien fait en écrivant ce livre et aussi un autre livre dans lequel il a répliqué à Abdelrahman Abdelkhalq, dont le titre est « Un groupe, ils n'ont pas un seul groupe, ils n'ont pas dix groupes, une seule voix, ils n'ont pas dix voix ». Il faut que vous lisiez ce livre. Et ce livre va vous montrer beaucoup de choses. Il va vous éclairer sur beaucoup de choses. Que Allah subhanahu wa ta'ala récompense Cheikh Rabi' comme il se doit. Que Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse. Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de lui encore. Hein, et encore. Fa'ikhwat al-Islam, yaqul al-Sheikh al-Fawzan, hafidhahu Allah ta'ala, وإنما يختلف من خالف هذه السبيل كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولما كان أمر هذه الجماعات المخالفة والمختلفة يشكل خطرا على الإسلام قد يصد عنه من أراد الدخول فيه كان لا بد من بيانه وبيان أنه ليس من الإسلام في شيء كما قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولأن الإسلام يدعو إلى الاجتماع على الحق كما قال تعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لما كان بيان ذلك واجبا وكشفه لازما قام جماعة من العلماء من ذوي الغيرة والتحقيق للتنبيه على أخطاء تلك الجماعات وبيان مخالفتها في الدعوة لمنهج الأنبياء لعلها ترجع إلى صوابها. فإن الحق ضالة المؤمن وإلا أن لا يغتر بها من لا يعرف ما هي عليه من خطأ. ومن هؤلاء العلماء الذين تولوا هذه المهمة العظيمة عملا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. من هؤلاء الذين بيّنوا ونصحوا فضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي في هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو بعنوان: منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فيه الحكمة والعقل. فقد بيّن وفقه الله وجزاه خيرا منهج الرسل في الدعوة إلى الله كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، وعرض عليه منهج الجماعات المخالفة ليتضح الفرق بين منهج الرسل وتلك المناهج المختلفة والمخالفة لمنهج الرسل، وناقش تلك المناهج مناقشة علمية منصفة مع التعزيز بالأمثلة والشواهد. فجاء كتابه والحمد لله وافيا بالمقصود، كافيا لمن يريد الحق، وحجة على من عاهد من عاند وكابر. فنسأل الله أن يتيبه على عمله وينفع به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، آمين يا رب العالمين. وكتبه صالح بن فوزان الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. Donc faisons Allah Azza wa Jal, à la fin de ce paragraphe dans cette préface du Cheikh Al-Fawzan, il dit: certes, ceux qui sont en divergence avec cette voie, c'est-à-dire avec la voie des prophètes, ils sont en divergence avec aussi cette voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrit ainsi dans ce verset: ça, c'est ma voie droite, suivez-la et ne suivez pas les autres voies qui vont vous égarer de la voie d'Allah. Il dit: comme la situation de ces groupes, il est en divergence avec la voie du prophète, et ces groupes sont en divergence entre eux, ceci constitue un danger pour l'islam. Il peut empêcher les gens, il peut empêcher et être un obstacle pour ceux qui veulent rentrer de l'islam, dans l'islam, de ne pas y rentrer. Et il dit, puisqu'il en est ainsi, donc il était obligatoire d'éclairer cette situation et de montrer comme quoi ces divisions et ces divergences ne font pas partie de l'islam. Car il est dit dans le verset: ceux qui ont divisé leur religion et qui se sont constitués en partie, tu ne fais pas partie d'eux en rien. Et il dit, Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, et l'islam appelle vers l'union, vers le fait de s'unir sur la vérité. Comme il est dit dans l'autre verset: et accomplissez la religion d'Allah et ne vous divisez pas dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Et il dit dans le verset, dans l'autre verset: cramponnez-vous à la corde d'Allah tous et ne vous divisez pas. Et comme éclairer les gens sur cette situation est obligatoire, et dévoiler cette situation et la situation de ce groupe est obligatoire, un nombre d'hommes de science qui ont l'enthousiasme pour cette religion et pour la voie de la vérité, et qui sont des gens de l'authentification, ont attiré l'attention sur les erreurs de ces groupes. De là, je veux aussi que tu remarques avec moi que la voie de la réfutation, ce n'est pas seulement la voie de Cheikh Rabi' comme veulent le faire croire certains. Regardez ce que dit Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala. Dire que Cheikh Al-Fawzan aussi, il voit le fait de refuter le faux. Et il a dit, Hafidhahullah Ta'ala, il y a certains hommes de science ont accompli ce devoir de montrer les erreurs des groupes et de montrer comme quoi ils sont en divergence avec la voie dans da'wah, et la voie dans la da'wah du prophète alayhi wasallam. Peut-être en montrant leurs erreurs, en attirant l'attention sur leurs erreurs, ils vont revenir vers leurs raisons. Car la vérité, c'est la chose que doit chercher. Que doit chercher tout un chacun. Le croyant doit chercher la vérité. Et pour que les gens ne se fassent pas avoir par ces groupes, les gens qui ne connaissent pas les erreurs de ces groupes ne se fassent pas avoir par ces erreurs. Et il dit, fait partie des hommes de science qui sont occupés de cette fonction, en mettant en application la parole du prophète qui disait la religion c'est le conseil, la religion c'est le conseil, la religion c'est le conseil. Les compagnons lui ont dit pour qui, ya Rasulallah? Il a dit le conseil pour Allah, pour son livre et pour son messager et pour les imams des musulmans et pour le commun des musulmans. Et il dit fait partie de ceux qui ont éclairé la communauté, qui ont conseillé la communauté, hein? Le docteur Rabi, Cheikh docteur Rabi bin Hadi al-Madkhali, dans ce livre qui est entre nos mains, dont la voix, dont le titre est la sagesse et la raison, elle est dans la voix de la da'wa du prophète alayhi wasallam. Et il dit, Habibullah ta'ala, Cheikh Rabi nous a éclairé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui fait des du'a, nous a éclairé sur la voie des messagers, dans la da'wa il Allah. Comme il est dans le livre d'Allah, et dans l'authentique de la sunnah du prophète alayhi wasallam. Et il a dit, il a exposé les voix des autres groupes qui sont en divergence avec la voie de la da'wa du prophète alayhi wasallam. Il les a exposés, hein? Et il a fait la comparaison avec la da'wa du prophète alayhi wasallam pour attirer l'attention sur le faux. Et il a débattu avec eux. Et il a débattu, il nous a montré ce qui est faux. Et son débat était scientifique. Et il était équitable. Et il a ramené des preuves. Et il a ramené des témoignages. Il a donné des exemples dans ce livre, comme nous allons le voir. Et il dit, la louange est à Allah. Ce livre est arrivé, il est complet pour celui qui veut la vérité. Et c'est une preuve contre celui qui s'entête et celui qui s'enorgueille. Et il fait dua à Cheikh Rabir. Et nous on dit Amin ya Rabbil Alamin. Et on arrive à la fin de la préface de Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala. Et là, ce sera notre arrêt. Et le commentaire qui concerne ce passage, comme il est long, je le garde pour lundi, Inch'Allah. Rendez-vous, Inch'Allah. À 8h30, Inch'Allah. Barakallahu fikum, wa ahsallahu ilaykum, wa jazakumullahu khairan, wa subhanakallahumma bihamdika, shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli allahumma wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa sallam.